Chapitre 12e. Visite du matin. Ce n'était pas sans difficulté que Mr. Thornton avait amené sa mère à sortir de chez elle pour aller voir Mrs. Hale. Mrs. Thornton faisait très peu de visites, et ce n'était jamais qu'en grande pompe qu'elle remplissait, à de rares intervalles, ses devoirs exceptionnels. Son fils lui avait bien donné une voiture, mais il n'avait jamais voulu permettre qu'il lui achetât des chevaux. On en louait pour les circonstances solennelles, où des visites du matin ou du soir devenaient indispensables. Elle en avait pris pendant 3 jours. Il y avait une semaine ou deux, et avait été rendre ses devoirs à toutes ses connaissances, dont maintenant c'était le tour de se mettre en frais et de prendre la peine de se déranger pour elle. Cependant, Crampton était trop loin pour qu'elle puisse y aller à pied, et elle avait demandé plusieurs fois à son fils si le désir qu'il éprouvait de lui voir faire une visite à ses Hale était assez vif pour motiver la dépense d'une course de fiacre. Elle aurait été enchantée qu'il eût répondu non. « Car je ne vois pas, disait-elle, la nécessité de se lier intimement avec tous les professeurs de Milton. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas aller voir la femme du brave homme qui donne des leçons de danse à Fanny ?»« Et c'est à quoi je vous prierai de consentir, ma mère. Si Mr. Mason et sa femme, arrivant dans cette ville, n'y avaient pas plus de connaissances que Mrs. Hale et son mari. Oh, tu n'as pas besoin de parler avec cette vivacité. J'irai demain, sois tranquille. Je voulais seulement te faire comprendre à quoi tu m'engages. C'est entendu. Je peux demander les chevaux pour demain. Quelle sottise, John. Mais on dirait que tu es cousu d'or. Pas tout à fait. Néanmoins, quant aux chevaux, c'est une affaire décidée. La dernière fois que vous êtes sorti en cab, vous êtes rentré avec un affreux mal de tête. Je ne me suis jamais plaint d'avoir mal à la tête. C'est une erreur, tu te trompes. Ma mère n'est pas femme à dire quand elle souffre, répondit-il avec un certain orgueil. Mais c'est une raison de plus pour que je veille à ce que rien ne lui arrive. Quant à Fanny, c'est différent. Un peu de misère lui ferait du bien. Elle n'est pas de la même étoffe que toi, John, et ne supporterait pas les privations. Mrs. Thornton garda le silence après cette phrase, qui éveillait en elle des pensées mortifiantes. Elle méprisait instinctivement la faiblesse de caractère et Fanny était faible. Mrs. Thornton raisonnait peu ses impressions. La rapidité de son jugement, la fermeté de son esprit, la dispensaient de discuter longuement avec elle-même. Elle sentait que rien n'aurait pu donner à Fanny la force de supporter patiemment la pauvreté, de regarder bravement face les difficultés de la vie. Et bien qu'elle se révoltât contre l'évidence et qu'elle tâchât de ne pas reconnaître le fait qu'elle constatait malgré son cœur, elle éprouvait pour sa fille une pitié pleine de tendresse, analogue à celle que les mères ressentent pour un enfant souffreteux ou infirme. Un étranger, un observateur superficiel, aurait même pu supposer, d'après les manières de Mrs. Thornton, qu'elle aimait beaucoup mieux sa fille que son fils, mais il se serait profondément trompé. L'audacieuse franchise avec laquelle le fils et la mère se disaient parfois des vérités un peu dures prouvait leur confiance dans la fermeté d'âme qu'ils se reconnaissaient mutuellement et sur laquelle reposait une affection inébranlable. La tendresse inquiète, au contraire, que Mrs. Thornton ressentait vis-à-vis de sa fille, la honte qui lui faisait dissimuler autant que possible chez Fanny l'absence des qualités qu'elle possédait sans le savoir et qu'elle estimait chez les autres, trahissait le peu de fond qu'elle faisait sur le cœur de la pauvre enfant, où elle ne trouvait pas assez de solidité pour y reposer son amour. Elle n'appelait jamais son fils que du nom de John, et réservait pour Fanny les termes caressants de trésor aimé, d'enfant chéri. Mais elle remerciait Dieu jour et nuit de lui avoir donné un tel fils et marchait avec orgueil au milieu des autres femmes parce qu'elle était la mère de John. « Fanny, mon amour, nous aurons les chevaux aujourd'hui et nous sortirons pour les voir ces Hale. Veux-tu venir ? Je te conduirai chez ta nourrice. Elle demeure dans ce quartier-là, et tu sais combien elle est joyeuse toutes les fois que tu y vas. « Oh, maman, c'est si loin et je suis si fatiguée. »« Fatiguée de quoi ? demanda Mrs. Thornton en fronçant légèrement les sourcils. « Je ne sais pas, c'est probablement le temps. L'air est si lourd. Est-ce que vous ne pourriez pas prendre ma nourrice et la ramener, maman ? La voiture irait la chercher pendant que vous feriez votre visite. Et elle passerait ici tout le reste de la journée. Ça lui ferait grand plaisir. » Mrs. Thornton posa son ouvrage sur la table. Elle sembla réfléchir et dit enfin « Ça serait bien loin pour retourner le soir chez elle. Oh, mais je la renverrai en cab. Je ne pensais pas la faire partir à pied. » « Mère, » dit Mr. Thornton qui entra tout à coup, « je ne doute pas que si Mrs. Hale avait besoin de quelque chose dans l'état maladif où elle se trouve, vous ne le lui offririez. » « Je ne demande pas mieux, si je peux deviner ce qui lui manque. Mais je me suis toujours bien porté, moi, et je ne suis pas au courant des caprices de malade. » Fanny vous aidera. Elle est rarement sans avoir quelques bobos, et elle pourra, sur ce chapitre, vous donner de bonnes idées, n'est-ce pas, Fanette ? Je ne suis pas toujours souffrante, répondit la jeune fille d'un air maussade. D'ailleurs, je ne vais pas avec maman, j'ai mal à la tête et je ne veux pas sortir. Mrs. Thornton avait les yeux baissés sur son ouvrage et travaillait rapidement. Je désire que tu sortes, reprit son frère avec autorité. Cela ne peut te faire que du bien. Et tu m'obligeras beaucoup en ne me forçant pas d'insister davantage. Mr. Thornton quitta la chambre sans rien ajouter à ses paroles. S'il fut resté quelques minutes de plus, sa sœur n'aurait pas manqué de pleurer et de se plaindre du ton qu'il prenait à son égard. Elle se contenta de dire d'un ton de mauvaise humeur dès qu'il lui fermait la porte. « John a toujours l'air de croire que je suis malade imaginaire. Je ne me plains pourtant jamais sans motif. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette famille Hale dont il fait tant d'embarras ?»« Fanny, ne parle pas ainsi de ton frère. S'il n'avait pas de bonnes raisons pour nous faire faire cette visite, il ne le demanderait pas. Va t'habiller, mon enfant, dépêche-toi, » lui dit sa mère. Mais tout cela ne contribuait pas à disposer Mrs. Thornton en faveur de ces Hale. « Qui sont-ils donc ?» se demandait son cœur jaloux. « Qui sont-ils pour que John ait un si vif désir que nous leur fassions des politesses ?» Il y avait longtemps que le plaisir de regarder dans la glace l'effet de son chapeau neuf avait fait oublier à Fanny son mal de tête et sa mauvaise humeur, que cette phrase revenait encore à l'esprit de sa mère comme le refrain d'une ballade. « Qui sont-ils donc pour que John ait un si vif désir que nous leur fassions des politesses ?» Mrs. Thornton, malgré son énergie, n'en était pas moins timide. Elle n'avait pu aller dans le monde qu'à un âge assez avancé, et elle n'y prenait aucun plaisir. Elle trouvait bien quelque satisfaction à donner des dîners et à critiquer ceux des autres, mais c'était tout différent d'avoir à faire connaissance avec des étrangers. Aussi était-elle fort mal à l'aise, et avait-elle une figure plus sévère et plus glaciale que d'habitude lorsqu'on l'introduisit dans le salon de Mrs. Hale. Marguerite brodait quelques bagatelles pour le petit enfant que sa cousine attendait. Ouvrage frivole et inutile, pensa la mère de John. Le tricot de Mrs. Hale lui plut bien davantage. Elle en appréciait la maille double et solide. Quant au salon, il était rempli de futilités, de babioles sans nombre, qui devaient chaque matin exiger un temps énorme pour les essuyer. Et le temps, c'est de l'argent, pour quiconque n'a pas un gros revenu. Elle faisait ses réflexions, tout en répétant avec le plus de cérémonie possible les lieux communs stéréotypés que la plupart des gens débitent lorsqu'ils n'ont rien à dire. Mrs. Hale ne mettait pas beaucoup plus d'originalité dans ses réponses, mais elle était captivée par une vieille dentelle que portait Mrs. Thornton. De ce vieux point, faisait-elle plus tard observer à Dixon, de ce vieux point d'Angleterre qu'on ne fait plus depuis 70 ans et qu'on ne trouverait dans aucun magasin. Il faut qu'elle ait cela par héritage, ce qui prouve toujours qu'elle n'est pas sans une certaine naissance. La propriétaire de cette dentelle de famille méritait donc que Mrs. Hale se donnât un peu plus de peine pour entretenir la conversation qu'elle ne l'eût pas fait sans cela. Et Marguerite, qui se mettait l'esprit à la torture pour causer avec Fanny, entendit sa mère et Mrs. Thornton se lancer à toute bride dans l'interminable sujet des domestiques. Vous n'êtes pas musicienne ? Demanda Fanny à Marguerite. J'aime beaucoup la musique. Je n'en fais pas d'assez bonne pour me satisfaire. Papa et maman n'y tenaient pas, et nous nous sommes défaits du vieux piano que nous avions à Hailstone. Je ne comprends pas comment on peut vivre sans piano. C'est vraiment pour moi une des nécessités de la vie. Une économie de 3 shillings sur 16 par semaine, pensa Marguerite. Mais elle était bien jeune. Sans doute elle avait oublié son expérience personnelle. Cependant, on a dû lui parler de cette époque. « Vous avez ici de bons concerts ?» dit-elle d'un ton glacial. « Oh, délicieux. Malheureusement, le public y est trop mélangé. Les directeurs apportent si peu de choix dans les gens qu'ils admettent. Mais on y entend la musique la plus nouvelle. J'ai toujours une demande énorme à faire à Johnson le lendemain de chaque concert. Est-ce tout simplement la nouveauté qui vous plaît dans la musique ?»« Oh, on sait que cette nouvelle musique est à la mode à Londres. Sans cela, les chanteurs nous donneraient autre chose. Avez-vous été à Londres ?»« J'ai vécu pendant plusieurs années, » répondit Marguerite. « Oh, Londres et Grenade, ce sont deux villes que je voudrais tant connaître. »« Londres et Grenade ?»« Oui, depuis que j'ai lu les contes de l'Alhambra, les connaissez-vous ?»« Non, quant au voyage de Londres, il est facile à faire. »« Vous avez raison, mais voyez-vous, » ajouta Fanny en baissant la voix, « Maman n'a jamais été à Londres et ne comprend pas que j'ai le désir d'y aller. Elle est fière de Milton, une affreuse ville, que je trouve pleine de boue et de fumée. Je crois en vérité que c'est pour cela qu'elle l'admire. S'il y a longtemps que Madame votre mère l'habite, je comprends à merveille qu'elle y soit attachée, » répondit Marguerite de sa voix argentine. « Puis-je vous demander ce que vous dites de moi, Miss Hale ?» Cette question prenait Marguerite au dépourvu. Elle ne trouva rien à dire et ce fut Miss Thornton qui répondit à sa mère. « Oh, maman, nous tâchons d'expliquer l'amour que vous avez pour Milton. »« Je vous remercie, » répliqua la vieille dame. « Mais l'attachement très naturel que j'ai pour la ville où je suis né, où s'est passée ma jeunesse, et que je suis revenu habiter depuis longtemps, n'a pas besoin qu'on l'explique. » Marguerite fut blessée à la fois et de la manière dont Fanny avait présenté la question, et de celle dont Mrs. Thornton s'était montrée offensée de ce qu'elle s'était permis de discuter ses sentiments. « Connaissez-vous Milton, Miss Hale ?» reprit la mère de Fanny après quelques instants de silence. « Avez-vous visité quelques-unes de nos manufactures, de nos superbes entrepôts ?»« Non, madame, » répondit Marguerite, et croyant manquer à sa franchise ordinaire si elle cachait l'indifférence que lui inspiraient ces choses, elle ajouta « Mon père m'y aurait déjà conduite si cela m'avait intéressé, mais je ne trouverais aucun plaisir à voir une manufacture. » « C'est une chose très curieuse, » dit Mrs. Hale, « mais tellement bruyante et toujours si sale. Je me rappelle avoir été en robe de soie lilas dans une fabrique de chandelles. Ma pauvre robe a été complètement perdue. » « Cela ne m'étonne pas, » dit sèchement Mrs. Thornton, « mais j'aurais pensé qu'en votre qualité d'étranger, nouvellement établi dans une ville qui tire une importance réelle de son industrie particulière et de l'étendue de son commerce, vous auriez prouvé quelque intérêt à visiter les lieux d'où lui vient sa grandeur, lieux uniques dans le royaume, à ce qui m'a été dit. Si par hasard Miss Hale changeait d'avis et qu'on descendait un jour à s'intéresser aux manufactures de Milton, je me ferai un plaisir de lui faire visiter les ateliers d'impression, de tissage et de filature que renferme l'établissement de mon fils. Elle y verrait à leur plus haut degré de perfection toutes les machines inventées dans ces dernières années. Je suis contente que vous n'aimiez pas les manufactures, dit tout bas Fanny à Marguerite, pendant que sa mère prenait congé de Mrs. Hale avec une certaine pompe. Si j'étais à votre place, répondit Marguerite d'un ton calme, « je m'intéresserai aux fabriques et à tout ce qui s'y rapporte. » « Fanny, » dit Mrs. Thornton lorsqu'elle fut remontée dans sa voiture, « nous serons polis avec ces Hale, mais ne forme pas avec la fille une de ces liaisons subites auxquelles tu te laisses aller trop facilement. Je vois que tu n'aurais rien à gagner avec elle. La mère paraît très malade, mais c'est une assez bonne créature qui semble douce et bien élevée. » « Je n'ai pas envie du tout de me lier avec Miss Hale. répliqua Fanny en faisant la moue. Seulement j'ai cru de mon devoir de lui parler et de chercher à l'amuser. C'est bon. Dans tous les cas, John devra être satisfait.